rien dans le mal, je ressens ta tendre présence. À tout ce qu'on sait, et ce qu'on a pensé, et tu danses plus loin, présence. Le soleil m'éclaire comme une lampe de chemin. T'es perdre mon temps, m'a détruit la raison. Je ne pense qu'à gueuler, le soleil m'a fait oublier le présent. Je ne parle que passé, je ne vois rien de bon. Allez, je rêve à tous des cons, moi qui traitais les anciens de vieux cons. Désormais, je vois bien que je ne suis plus rien. Et bon, le sens est passé, je ne veux rien. Perdre de vue que ce que je n'ai déjà fait. Je vois ces gens avec leur vie devant. Oh, moi, ça me tue un peu plus chaque jour que la veille. Les douleurs et leur jamais mon corps un jour ne pourra s'en remettre. Car je me suis dit que trop vieux, et jaloux, et mieux dépassé. Ma prison, mais surtout lieu.